Maître. Salut, Nordine. Il y a quoi dans le dossier, là? C'est un coup de poucave? À ton avis? Je te lis le PV. Sommes contactés téléphoniquement par une source qui souhaite garder l'anonymat. Voilà, j'ai besoin d'en dire plus. Appel anonyme. Il y a un okay sorti? Impossible, on parle à personne, il n'y a pas de poucave chez nous. Tu crois encore à la mentale, t'es bien le seul. Et je peux te dire qu'ils sont bien renseignés, ils ont des photos, surveillance, sonorisation. Ah, ils vous ont fait le grand 8, là. T'as pas le choix, faut que tu me pètes le dossier. Dans tout Paname, sachant que t'es le numéro 1 sur les vices de procédure, non? Bah t'as l'occasion de le prouver encore une fois, là. Donc, je dois faire disparaître 5 kilos d'explos et un flag, c'est ça? Ouais. Tu sais, Nordine, j'ai une robe d'avocat, moi, pas une cape de magicien.